Les participants au 5e festival international en l'honneur des grands hommes de San ont visité le 13 Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung.